L'actualité à Nancy et ailleurs. Un marché aux fleurs et légumes, un marché artisanal, c'est une première et c'est le samedi 26 avril à l'école de Rogerville. Nous avons au téléphone Mathilde Dietrich, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire donc de l'association des parents d'élèves de l'école de Rogerville. Alors pourquoi cette première édition d'un marché artisanal ? Tous les ans était machinalement organisé un marché aux plants de légumes et aux fleurs et cette année on a décidé de l'étoffer avec des artisans locaux afin de faire connaître l'école de Rogerville et la petite Suisse Lorraine qui sont situées dans la vallée de l'Esch. Pour faire parler de l'école, ouvrir à d'autres personnes que les parents et puis peut-être un public plus large. Alors situez-nous justement à Rogerville, vous parlez de la petite Suisse Lorraine, peut-être que certains ne connaissent pas très bien, expliquez-nous un peu. C'est la ruralité, c'est la campagne, avec de jolis chemins, sentiers. Si vous souhaitez marcher un peu avant ou après le marché artisanal, vous pouvez faire les deux. Il y a de jolis paysages, des espaces naturels protégés comme le moulin de Villevaux, par exemple, autour. Et donc, ben voilà, ce marché aux fleurs et légumes et marché artisanal, c'est l'occasion de venir un peu découvrir un coin qu'on ne connaît peut-être pas, mais aussi, surtout, de filer un coup de main à l'association. Ça permet quoi, justement, ce marché artisanal pour l'association des parents d'élèves ? Pour l'association des parents d'élèves, ça permet de faire connaître l'école qui, depuis 2 ans, a un combat mené par les délégués parents d'élèves contre la suppression d'une fermeture d'un poste enseignant. Donc il faut faire parler de l'école en positif et puis c'est de générer des bénéfices pour l'association des parents d'élèves, financer différentes sorties scolaires. Je pense que tout parent d'élève sait qu'un bus scolaire, par exemple, coûte extrêmement cher. Mais on propose ici d'autres animations comme par exemple une chasse aux œufs de Pâques qui va être bientôt organisé avec des chocolats offerts aux enfants. Pareil à l'Ain-Saint-Nicolas, on offre des galettes des rois à d'autres événements pendant toute l'année scolaire. De financer des classes vertes ? Exactement aussi, oui, c'est ça. Partir à la découverte des classes vertes, il y a des sorties ENS, espaces naturels sensibles, qui sont organisées tout au long de l'année par les maîtresses et financement de l'APE au besoin. Donc c'est le samedi 26 avril, c'est de 10h à 16h et voilà, ce sera l'occasion de découvrir des artisans locaux et plein de bonnes choses aussi. Oui, alors il y aura des produits locaux de bouche comme par exemple de la bière, des pâtés lorrains, des produits fermiers, etc. Mais aussi des artisans créateurs comme des bijoux, des créations en fil de velours, des lanternes papier, plein de diverses choses. Donc c'est le 26 avril, je suppose que l'entrée est gratuite ? L'entrée est gratuite, c'est ça. Pour soutenir donc les projets scolaires. Merci beaucoup Mathilde Dietrich. Mais je vous en prie. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose ? Venez nombreux, parlez-en autour de vous et faites un soutien aux élèves de l'école de Rogerville. Le message est passé, merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.